بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنواصل دراستنا في كتاب قواعد المثلة التي ألفها الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه سائلين الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وبعض. Donc on va continuer inchallah sans plus attendre sur l'étude du livre Les règles exemplaires concernant les noms et attributs divins, les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, et on est arrivé, on est toujours dans l'étude de la cinquième règle. Concernant le fait, on a appris dans cette règle, donc c'est la cinquième règle qu'on apprend concernant les noms et les attributs divins, et dans cette règle, on a appris que les noms d'Allah Azza wa Jal sont ce qu'on appelle tawqifiyya, sont d'institutions divines, dans le sens qu'on se limite au texte et on ne dépasse pas les textes. Et donc l'auteur mentionne dans cette règle deux versets. On a dit le premier verset qu'il a mentionné, c'est le verset de Sourate al-Isra. Ensuite, il a expliqué le verset et le lien entre le verset et la règle. Et ensuite, il a mentionné un deuxième verset dont on était toujours sur l'interprétation et l'explication du verset. Et dans ce verset, c'est le verset 33 de Sourate Al-A'raf, comme on l'avait mentionné, où Allah Azza wa Jal nous dit قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Et ce verset, qui est le verset 33 de Sourate Al-A'raf, dont on avait lu la traduction approximative du verset dans la 6 précédente. Et on avait dit que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, s'adressant au prophète, dit au prophète de dire qu'il a interdit certaines choses. Et Allah azza wa jal dit au prophète, Inna ma harrama rabbi al-fawahish. Certes, mon Seigneur a seulement interdit Al-fawahish, les turbitudes, qu'elles soient apparentes comme cachées, ou bien le péché, ou bien l'agression sans droit, ou bien le fait de lui donner un associé dont il a fait descendre aucune autorité, ou bien de dire sur Allah ce dont on n'a aucune connaissance, on n'a pas de savoir. Ça, c'est la traduction relative du verset. Et donc, on voit à travers l'étude de ce verset qu'Allah Azza wa Jalla a interdit cinq choses. On a dit cinq choses. La première chose, comme on avait bien mentionné, al-fawahish, les turpitudes, qu'on traduit souvent en français par les turpitudes, ma zahara minha wa ma batan, ce qui apparaît comme ce qui est caché. On avait expliqué les deux sens supposés. Cheikh Al-Athaymi nous a expliqué qu'il y a deux sens supposés parmi les sens. Donc la première chose, al-fawahish, la deuxième chose, al-ithm, la troisième chose, al-bari, la troisième chose ou quatrième chose, al-shirk. Ensuite, al-qawl al-Allah bi-ghayri-ilm. Et donc, on avait expliqué le premier, al-fawahish. On avait expliqué le deuxième et le troisième, en disant que le deuxième c'est le péché, le troisième c'est le péché aussi. Sauf que la différence entre l'ithm ou al-bari, c'est que dans l'ithm, la personne se fait du tort à lui seul, seulement. Tandis que al-bari, c'est le fait de commettre un péché, désobéir à Allah, c'est le ma'asiyah. Sauf qu'ensuite, il crée, ou bien, il cause du tort à autrui. Les causes du tort à autrui. On avait expliqué aussi le sens de bireilil haq, sans droit. On avait expliqué le sens de cela dans la dernière assise. Ensuite, Allah Azza wa Jal, dans les versets, dit « Wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana » et que vous donniez un associé à Allah Azza wa Jal alors qu'il a fait descendre aucune autorité en cela. « Alors il dit, Cheikh Ibn Uthaymeen, dans l'explication du verset, on s'est arrêté sur cette partie, وَأَن تُشْرِكُ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا يعني وَحَرَّمَ أَن تُشْرِكُ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَكُلُّ شِرْكٍ فَلَا سُلْطَانَ فِيهِ فَلَا سُلْطَانَ فِيهِ أي لَا دَلِيلَ فِيهِ. Ensuite Allah Azza wa Jalla nous interdit qu'on lui donne des associés. وَأَن تُشْرِكُ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا, que vous lui donnez un associé dont il a fait descendre aucune autorité. Lorsqu'on dit descendre aucune autorité, c'est la traduction littérale. La traduction littérale du terme dans le verset, comme il est traduit ici. L'association Allah, ce dont il n'a fait descendre aucune preuve. Ici, ils ont traduit par aucune preuve. Littéralement, si on traduit littéralement, ma lam yunazzil bi sultana, sultana, ce dont il a fait descendre aucune autorité. Sauf qu'ici, c'est traduit par aucune preuve, parce que dans l'explication, quel est le sens de sultana? C'est ay bila dalil. Ay bila dalil. Comme le cheikh ici, il dit le sens de, dans le verset sultan, c'est le sens ay dalila fi. La dalila fi. Kullu shirkin fala sultana fihi. Toute forme de polythéisme, il n'y a pas d'autorité sur ça, dans le sens, littéralement. Mais le sens est « Fala dalila ali ou fihi ». Il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas d'argument. C'est pour ça qu'ici, ils ont traduit directement dans l'explication, dans la traduction du verset, ils ont traduit directement « ce dont il n'a fait descendre aucune preuve ». Parce que le sens de sultan ici, c'est « Bila dalil ».« Bila dalil fihi ». والحاجة إلى قوله تعالى ما لم ينزل به سلطانا كما قلنا في قوله بغير الحق أي بيان أن كل الشرك فلا دليل فيه فلا دليل فيه ولم ينزل الله به سلطانا أي دليلا أي دليل. Et là le cheikh dans l'explication il dit et pourquoi il est cité فلا سلطانا ما لم ينزل به سلطانا tant qu'il n'y a pas une preuve. Et Allah interdit l'association. Regardez, littéralement, l'association à Allah. Allah l'a interdite. Ce dont il n'a fait descendre aucune preuve. Là, le cheikh il dit dans le sens que toute forme de polythéisme, il n'y a aucune preuve. Ça sous-entend que toute forme de polythéisme, quelle que soit la forme de shirk et d'association, il n'y a aucune preuve à celle-ci. Et regardez donc dans l'explication, dans l'interprétation du verset, c'est comme dans ce qu'on a mentionné précédemment pour Al-Bari, Biri'il Haq, sans droit. Sans droit, c'est-à-dire que l'agression, il n'y a jamais un droit en cela. Il n'y a pas une agression où elle est en droit. Il n'y a pas de droit en cela. Comme pour le shirk, il n'y a pas de preuve pour le polythéisme. Quelle que soit la forme de celle-ci. Allah n'a pas descendu de preuve permettant cela, bien au contraire, toute forme de polythéisme est interdite. Et quelle est la preuve que le sens, que nous on pourrait traduire littéralement, est sultan, une sorte l'autorité, ici que c'est dans le sens de la preuve, c'est dans le sens de la preuve, qu'est-ce qui prouve que ici sultan, on peut l'interpréter comme étant le sens de ad dalil, la preuve. Le shir mentionne le verset de la sourate qu'on retrouve dans la sourate Yunus. Le verset qu'on retrouve dans la sourate Yunus, le verset 68. Le verset 68 dans la sourate Yunus. In 'indakum min sultanin bihadha ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Regardez dans le verset, Allah Azza wa Jalla dit in 'indakum min sultanin bihadha. Est-ce que vous avez, littéralement, Allah leur dit, est-ce que vous avez un sultan bihada en cela? Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun? Ou bien est-ce que vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas? Donc si on le dit littéralement, est-ce que vous avez un sultan en cela? Ou bien vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas? Sultan ici c'est un ensemble de délil. Au sens, est-ce que vous avez littéralement une autorité en cela? Dans le sens, est-ce que vous avez une preuve? Est-ce que vous avez une preuve bihada? Ou bien vous parlez sur Allah sans savoir et sans connaissance. Ça, vous pouvez vous référer, c'est le verset 68 de la sourate Yunus. La sourate Yunus. Ce qui prouve que Sultana, ici, vient dans le sens de Delil. Sens de, on peut l'interpréter et donner le sens de preuve. Wa qawluhu, ensuite, cinquièmement, à la fin du verset, Allah Azza wa Jal dit, Wa anta qulu ala Allahi ma la ta'lamun. Après avoir cité l'interdiction du shirk, ensuite Allah Azza wa Jal dit, et que vous dites sur Allah ce dont vous ne savez pas, ce dont vous n'avez point la connaissance, et c'est traduit par, et de dire d'Allah ce que vous ne savez pas, et de dire d'Allah ce que vous ne savez pas. قال الشارح يعني وحرم أن تقولوا عليه ما لا تعلمون. Et donc ça veut dire que Allah Azza wa Jal nous a interdit, comme il a interdit précédemment al-fawahish, les turpitudes, le péché, wal-bari, et il a interdit le polythéisme. Aussi Allah dans ce verset interdit de parler, de dire sur lui ce dont on n'a pas la connaissance. Ce dont on n'a pas la connaissance, comme il est dit dans le verset, de dire d'Allah ce que vous ne savez pas. Yarni, quel est le sens de cela? Harrama an taqulu alayhi ma la ta'lamun. Allah tout simplement interdit qu'on dise sur lui ce qu'on ne sait pas. Wa hal il murad an taqulu alayhi fi zatihi wa sifatihi wa ahkamihi wa af'ali. Ensuite, l'auteur nous pose une question. Il dit, est-ce que le sens de cela, lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous interdit de parler sur lui sans savoir, et de dire sur lui ce que l'on ne sait pas. Alors, est-ce que c'est lié le fait de parler sur son entité, sur lui, sur l'essence même du Créateur, d'Allah Azza wa Jalla, ou bien sur ses attributs, ou bien de parler de ses hakami, de ses lois, ou bien de ses actes, ou bien de ses actes? Quel est le sens de cela? Est-ce que ça veut dire qu'Allah Azza wa Jalla nous a interdit de parler sur lui, c'est-à-dire sur son entité, sur son être, ou bien sur ses attributs, ou bien sur ses lois, ses af'al? Al-jawab al-murad ul-kul. Le shaykh dit, ce qui est voulu, à travers le verset, à travers l'interdiction, c'est tout. Tout ce qu'on vient de citer. Fala yajuz an taqula fi dhati Allahi ma la ta'lam. Il n'est pas permis, il dit, que tu dises, en ce qui concerne l'essence même du Créateur, de parler sur l'être d'Allah Azza wa Jal, sur Allah, sans savoir. Ou bien, wala fi sifatihi ma la ta'lam. Ou bien de parler sur ses attributs, ce dont tu n'as point la connaissance. Wala fi ahkami ma la ta'lam. Même au sujet de ses lois. Bi an taqul, comment, qu'est-ce que ça veut dire de parler sur ses lois? Fil ahkam, sans savoir. C'est-à-dire, il dit, le fait que tu dis telle chose est halal. Ou bien telle chose est haram. Le fait que tu portes des jugements en disant telle chose est halal et telle chose est haram, alors que tu n'en as pas vraiment la connaissance. Alors qu'en vérité, tu n'en as pas vraiment la connaissance. Cheikh, il dit, même ça, ça rentre dedans. Le fait de parler sur Allah Azza wa Jal sans connaissance. C'est pour ça que Cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, est-ce que c'est lié seulement le fait de parler sur les attributs et sur l'entité même du Créateur, ou bien c'est vaste? C'est plus vaste, ça englobe aussi le fait de parler sur ses lois, c'est-à-dire ça c'est halal ou ça c'est haram. Il dit, même cela c'est englobé. Même cela c'est englobé dans l'interdiction. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, on peut pas dire telle chose est halal ou telle chose est haram alors qu'on n'en a pas la connaissance. Wa anta la tadri. Alors qu'en vérité, il dit, tu dis telle chose est licite, telle chose est interdite, alors qu'en réalité, tu ne sais pas. Wa la fi af'alihi ma la ta'lam. Et même au sujet de ses actes, de parler sur les actes du Créateur, alors que tu ne sais pas. Tu n'as pas la connaissance de cela. Bi an taqul hadha al-fi'l mathalan khata. Ou hadha al-fi'l sawab. Wa ma ashbaha dhalik. Kullu hadha haram. Que par exemple tu dis tel acte est bon et tel acte est faux ou tel acte est vrai, tout cela est interdit. Fa inna hadha al-fi'l sawab wa ma ashbaha dhalik kullu hadha haram wa ad-dalil 'ala al-'umum qawluhu ta'ala ma la ta'lam ma la ta'lamun. Tout cela, il dit, ça rentre dans la généralité de l'interdiction lorsqu'elle a dit ma la ta'lamun, ce dont vous ne savez pas. Donc là il y a une généralité. Ça rentre, tout ce qu'on a cité précédemment, ça rentre dans cette généralité. فَإِنَّ مَا إِسْمٌ مَوْصُولٌ وَالْإِسْمُ الْمَوْصُولُ يُفِيدُ الْعُمُومِ. Pourquoi? Parce que le « ma », vous avez vu la particule « ma », dans le verset. Wa anta qulu 'ala Allahi ma. Ma la ta'lamun. Le ma ici, c'est une particule qu'on appelle, cette particule-là, c'est ce qu'on appelle un nom. Ismun mawsul. Mawsul. Il est ismun mawsul. C'est dans le sens de alladhi. Dans le sens de al-ismun mawsul, c'est dans le sens de alladhi. Comme là, ma, ma la ta'lamun. Alladhi la ta'lamun. Et le mawsul, l'ismun mawsul ici, والاسم الموصول والاسم الموصول يفيد العموم donc la particule ma qui est mawsul et le ism al-mawsul sous-entend une généralité, le sens dans la linguistique arabe, ça sous-entend une généralité. C'est pour ça que wa an taqulu 'ala Allahi ma, vous avez vu le ma, ma il a un sens de ce qu'on appelle en arabe mawsul. Mawsul ma la ta'lamun, et le mawsul on a dit il sous-entend une généralité. Ce dont vous n'avez pas la connaissance. Ce dont vous ne savez pas. Ce dont, c'est-à-dire tout ce dont. Tout ce dont vous n'avez pas la connaissance. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ هَلِ الْآيَةُ الْكَرِيمَ مِنْ بَابِ الْإِنْتِقَالِ مِنَ الْأَدْنَى إِلَى الْأَعْلَى وَمِنْ بَابِ الْإِنْتِقَالِ مِنَ الْأَعْلَى إِلَى الْأَدْنَى. Ensuite, Cheikh Ibn Uthaymeen pose une question. Et d'ici maintenant, une personne pose la question. Une personne se demande. Ces différentes choses qui sont citées. On a dit qu'il y a cinq choses, cinq interdictions qui sont citées dans le verset. Si une personne se pose la question, est-ce que c'est du plus petit au plus grand? C'est-à-dire, lorsqu'on dit plus petit en termes de gravité, est-ce que c'est du moins grave au plus grave ou non? Pourquoi? Parce que comme on a dit précédemment, il est cité d'abord le fawahish, ensuite on peut rester maintenant sur les termes en arabe puisqu'on les a explicités dans la six précédentes, al-fawahish, premièrement, ensuite al-ithm, ensuite al-bari, ensuite al-shirk, ensuite al-qawla al-Allah, bi-ghayri ilm. Donc ces cinq choses, il dit, est-ce que on peut comprendre du verset que c'est du moins grave au plus grave, ou non? Il dit, al-jawab, la réponse, il dit, qala ba'd al-ulama'i, rahimahumullah, innaha min bab al-intiqal min al-adna ila al-a'la. Certains savants, ils disent, l'ont dit. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Certains savants ont été d'avis que c'est l'ordre cité dans le verset, c'est du moins grave au plus grave. C'est du moins grave au plus grave. De sorte que les savants qui ont stipulé cela, donc ils ont dit, فَيَكُونَ الْقَوْلُ عَلَى اللَّهِ بِلَا عِلْمٍ أَشَدَّهَا. Ils ont stipulé alors que le fait de parler sur Allah sans savoir, c'est le plus grave. C'est le plus grave des cinq qui sont cités dans le verset. فَهُوَ أَشَدُّ مِنَ الشِّرْكِ. Et ils ont été d'avis, ils ont dit, c'est même plus grave encore que le polythéisme. لِأَنَّ الْقَائِلَ عَلَى اللَّهِ بِلَا عِلْمِ نَصَّبَ نَفْسَهُ مُشَرِّعًا مُشَارِكًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ فِي التَّشْرِيعِ. Pourquoi certains savants sont arrivés là, à interpréter de cette manière? Parce que, et à dire que, c'est par ordre de gravité, et à dire que par exemple, le fait de dire sur Allah quelque chose qu'on ne sait pas, dont on n'a point la connaissance, c'est plus grave que le shirk. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit en fait, celui qui parle sur Allah subhanahu wa ta'ala sans connaissance, en réalité, il s'est mis à un niveau, il s'est mis au niveau du créateur, de sorte qu'il s'est associé au créateur dans le fait de légiférer. Dans le fait de parler et de, sur la religion, d'émettre des jugements et de légiférer dans la religion. Donc, en quelque sorte, ils disent, ils s'associent avec Allah Azza wa Jal, fi at-tashri'a. Fi at-tashri'a. Dans le fait de légiférer. Regardez. Nassaba nafsahu musharri'an, musharikan lillahi Azza wa Jal, fi at-tashri'a. Li'anna al-qa'ila 'ala Allah bi'ala ilm, yufsidu ghayra. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, en fait, celui qui parle sur Allah Azza wa Jal sans connaissance et sans savoir, il va corrompre autrui. Et il va être cause de ce qu'on appelle l'ifsad, de la corruption des autres, et du mal des autres, et de la dérive, en quelque sorte, des autres. لِأَنَّهُ يُضِلْ annas. De ce fait, pourquoi? Parce qu'il va être cause d'égarement pour les autres. Et plus littéralement, Shamb Razmin dit, il va égarer autrui et les autres. قال الله عز وجل فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. Regardez dans un verset, c'est le sourate de la sourate Al-An'am, le verset 144. Allah عز وجل dit, une traduction approximative du sens du verset, فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Et quel est le plus injuste que celui qui a proféré des mensonges au sujet d'Allah? Proférer des mensonges au sujet d'Allah. Regardez Allah, qu'est-ce qu'il dit? لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْلِ عِلْمِ. Pour qu'il égare les gens sans savoir. Donc vous avez vu la cause? Il profère des mensonges au sujet d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Allah dit لِيُضِلَّ النَّاسَ. Pour qu'il égare les gens بِغَيْلِ عِلْمِ. Sans connaissance, en réalité. Il fait cela sans connaissance et sans ilm. Et Allah dit, فَمَنْ أَظْلَمُ. Et Allah dit, et quel est le plus injuste? Si ce n'est celui, justement, quel est le plus injuste que celui qui va proférer des mensonges au sujet d'Allah pour égarer les autres? Pour égarer les autres. فَهُوَ أَعْظَمْ مِنَ الشِّرْكِ وَلِهَادَ قَالَ بَعْدَ الْعُلَمَا. Et c'est pour ça que certains savants, dans l'explication et l'interprétation de ce verset, ils ont dit, c'est encore plus grave que Ash-Shirk. Et de ce fait, vous comprenez à présent la parole de certains savants qui ensuite, par rapport à cela, ont stipulé La tuqbalu taubatul mubtadi'a. Ont stipulé que, de ce fait, le repentir de l'innovateur n'est pas accepté. Le repentir de l'innovateur n'est pas accepté. Comment ils ont justifié cela? عَلَّلُوا ذَلِكَ بِأَنَّ الْمُبْتَدِعَ أَضَلْ غَيْرَهُ. Comment ils ont justifié cela, ces savants qui ont cet avis-là? Ils ont dit pourquoi? Parce que l'innovateur a été source et cause d'égarement et dérive pour les autres, pour autrui. L'innovateur a été cause d'égarement pour autrui. وَالْمُشْرِكُ إِذَا تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلِيهِ. Eux, ils ont considéré que le polythéiste, s'il demande pardon, taballahu alayhi, Allah lui pardonne. Le polythéiste, s'il demande pardon, c'est-à-dire s'il fait taouba, s'il fait preuve de repentir, il se repentit, Allah lui pardonne. لِأَنَّ شِرْكَهُ عَلَى نَفْسِهِ. Parce qu'ils ont dit, en faisant du shirk, il s'est fait du tort à lui-même. لَكِنَ الْقَوْلُ الرَّاجِحُ أَنَّ الْمُبْتَدِعَ تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ إِذَا اسْتَقَامَتْ حَالَهُ. Sauf que Cheikh ici dit, mais le plus juste c'est que l'innovateur aussi, son repentir est accepté. Tant qu'ensuite, il connaît la droiture. Et sa situation ensuite se rectifie. Là, Cheikh, il a fait allusion à la parole de certains savants. La parole de certains savants. Là, vous comprenez pourquoi ensuite la question a été traitée. Et c'est une question célèbre que les savants traitent. La question est, vous pouvez retrouver les savants traitent cette question, est-ce que le repentir de l'innovateur est accepté. Est accepté, ça c'est une question où les savants justement ont rédigé et répondu à cette question et vous avez de nombreux écrits sur ça et c'est une question célèbre chez les savants. Et ça, ce qu'il est rapporté dans cette question, deux avis. Comme ici, Cheikh Ibn Uthaymeen fait allusion. L'avis d'une partie qui considère que la taubata lil mubtadi'a. Comme cela, vous retrouvez dans certains livres. Pas de repentir pour l'innovateur. La taubata li al-mubtadi'a. Et d'autres savants, comme fait allusion ensuite sur Ibn Uthaymeen, dit que le plus juste, c'est qu'il y a taouba. Wa hadha al-qawl thani. Ça, c'est le deuxième avis chez les savants, c'est qu'il y a taouba, que l'innovateur peut se repentir. Et que son repentir, tant qu'il est sincère, il a accepté. Il a accepté. Akhtalaf al-ulama. C'est pour cela que les savants sont d'accord et s'accordent pour dire qu'Allah Azza wa Jalla pardonne tout. Comme c'est mentionné dans le Coran, Allah pardonne tout. Que ce soit du plus grand péché au plus petit péché. Allah, il pardonne toutes les fautes, il pardonne tous les péchés. Que ce soit Al-Adna, que le plus petit péché, حتى الكبائر jusqu'aux grands péchés capitaux. Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur. Et Allah accorde le pardon à ses serviteurs qui lui demandent. Sauf qu'ensuite, اختلف العلماء في قبول توبة المبتدع. Sauf qu'ensuite, les savants, en ce qui concerne l'innovation, là, ont divergé. En ce qui concerne le bid'a. Pourquoi ? Parce que le mubtadi, c'est celui qui met en pratique et propage le bid'a et cause de propagation de l'innovation. Al-qawl al-awwal, donc en deux avis. Le premier avis, an al-mubtadi laysa lahu min tawba. Certains savants ont dit que le mubtadi, l'innovateur, n'a pas de tawba, n'a pas de repentir. Wa mimman ikhtara hadha Abu Ishaq al-Shatibi. Et parmi les savants qui ont stipulé cela, un savant qui s'appelait Abu Ishaq al-Shatibi. Abu Ishaq al-Shatibi, il est rapporté de lui qui stipulait cela. Et parmi d'autres savants, un autre savant qui s'appelait Abu Ishaq, qui faisait partie des compagnons de l'imam Ahmed ibn Hanbal, qui faisait partie des compagnons de Min Ashabi Ahmed, wa huwa madhhab al-Rabi' ibn Nafi'. Et ça, c'était l'école, cet avis-là, c'était l'école d'un savant qui s'appelait Rabi' ibn Nafi'. Rabi' ibn Nafi'. Eux étaient de cet avis-là. Le deuxième avis, أن المبتدع لو توبة لو توبة كأي مذنب ولا حائل بينه وبين التوبة لأن باب التوبة مفتوح والتوبة لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها. Le deuxième avis, c'est l'avis comme on l'a stipulé précédemment, des savants qui considèrent que il y a à repentir pour l'innovateur. Comme pour les autres péchés. Comme pour celui qui a commis des fautes, est injuste envers lui-même, en désobéissant à son créateur, il a le droit au repentir. De même pour Sahib al-Bid'ah, que celui qui, à la cause de la propagation d'une innovation, il peut se repentir. Pourquoi ? Parce qu'ils disent « Bab Tawba Meftouh » parce que la porte du repentir est ouverte. La porte du repentir est toujours ouverte. « Wa la tanqati' hatta tatla' ash-shams min maghribiha » et elle ne cessera d'être ouverte jusqu'à ce que le soleil se lève « min maghribiha » et il y aura la fermeture de la porte du repentir. Mais tant que la porte du repentir elle est ouverte, alors Allah accepte à que le repentir de ses serviteurs. Et cet avis-là, c'est le avis qu'a défendu Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et de grands savants, Jama'a min ahli al-ilm, et de nombreux savants. De nombreux savants, c'est la majorité des savants, ont défendu cet avis-là et ont dit qu'en fait, l'avis, le premier avis, n'est pas juste. Le premier avis, beaucoup l'ont réfuté et beaucoup de savants l'ont rejeté. L'ont rejeté du fait qu'ils ont dit cet avis-là n'est pas l'avis le plus juste. Et les preuves sont nombreuses. Les preuves sont nombreuses à cela. Parmi les preuves dont les savants ont dit que même le repentir de l'innovateur est accepté, le verset lorsqu'Allah dit قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dans le verset, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit dans Sourate Az-Zumar, le verset 53, traduction approximative, « Ô mes serviteurs, qui ont commis des excès à leur insu, » une traduction relative et approximative, « La taqnatu min rahmatillah » Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, certes Allah pardonne tous les péchés. On avait fait allusion à ce verset dans la dernière assise. « Wajid dilala anna Allah naha al-musrifin ala anfusihim an yaqnatu min rahmatih » L'élément illustrant dans ce verset, qu'est-ce qu'Allah il a interdit dans ce verset ? Il y a quelque chose qui est interdit dans ce verset. « Ô mes serviteurs qui ont commis des excès à leur insu. » Qu'est-ce qui est interdit ? Allah dit « La taqnatu min rahmatillah » Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certains savants, ils ont dit, qu'est-ce qui est interdit dans le verset ? Allah, naha, il a interdit de désespérer de sa miséricorde. De sorte que si la personne a commis un péché, et ensuite s'en repentir, il n'a pas le droit. On ne le dit pas, ne désespère pas de la miséricorde d'Allah seulement. On dit, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de désespérer et de tomber dans une désespérance. Parce que c'est Shaitan qui va essayer de te faire tomber dans ses filets. Et parmi les filets et les pièges de Shaitan, la désespérance. Le fait que tu désespères jusqu'à ce que ta religion devienne thaqila, devienne lourde. Et ensuite, Shaitan ensuite va s'efforcer que l'individu délaisse ensuite. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jal interdit de désespérer de sa miséricorde. Et donc c'est pour ça que les savants disent qu'Allah Azza wa Jal naha al-musrifin ala anfusihim, il a interdit à ceux qui ont commis des excès à leur insu, à leur propre insu, de désespérer de sa miséricorde. Li'annahu subhana yaghfiru dhunuba jami'an. Parce qu'Allah est celui qui pardonne tous les péchés. Pardonne tout. Allah aurait pu menacer ceux justement qui ont commis des excès à leur insu. Les menacer que quoi qu'il arrive, ils auront la punition. Mais Allah Azza wa Jal ne les a pas menacés de la sorte. Au contraire, il a dit à ceux, ô mes serviteurs, qui ont commis, attention, il est dit, non traduit de manière littérale, il est dit, alladhina asrafu ala anfusihim. Asrafu ala anfusihim, c'est vraiment quelqu'un qui a commis des excès à son insu. Il s'est vraiment fait du tort, il a commis des excès à son insu, c'est comme ça que c'est traduit dans certaines traductions. Il leur dit, ne désespérez pas de ma miséricorde. Pour ça, on avait fait allusion hier, dans un autre verset, Allah dit, certes, ceux qui désespèrent de sa miséricorde, ce sont les égarés. Allah stipule bien dans un autre verset que ceux qui désespèrent de sa miséricorde, ce sont les égarés. C'est-à-dire que c'est la caractéristique des égarés, de désespérer de sa miséricorde. L'homme droit, celui qui est sur la droiture, il ne désespère pas de la miséricorde du Créateur, subhanahu wa ta'ala. وَهَوْلَ الْمُبْتَدِعَ مِنْ عِبَادِهِ الْمُسْرِفِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِهَدِهِ الْبِدَعَ الَّذِينَ أَخْبَرْ وَهُوَ أَصْدَقِ الْقَائِلِينَ أَنَّهُ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا وَبِدْعَةُ هَؤُلَاء ذَنْبُ يَشْمَلُهُ هَذَا الْوَعْدُ مِنْهُ سُبْحَانَهُ وَمَا دَامَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَلَا مَجَالَ لِتَخْصِيصِ أَهْلِ الْبِدَعِ بِعَدَمِ التَّوْبَةِ لِعَدَمِ التَّوْبَةِ. Et là, la parole est très pertinente. Dans l'explication, certains savants, ils ont dit l'innovateur, en fait, il a commis des excès envers lui-même. Il a commis des excès à son insu. Et lui, comme tous ceux qui ont commis des excès à leur insu, contre eux-mêmes, Allah Azza wa Jal leur dit qu'il pardonne tout. Et parmi ces choses-là, tout ce qu'il pardonne rentre l'innovation. Al-bida. L'innovation rentre dedans. C'est pour cela que beaucoup de savants ont dit l'avis le plus juste et ils ont réfuté le premier avis. On dit c'est que le fait que Allah Azza wa Jal pardonne tout, puisque dans le verset Allah dit yaghfiru dhunuba jami'an. Tous les péchés Allah Azza wa Jal les pardonne. Regardez dans un autre verset, le verset 82 de Surat Taha. Allah dit wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Allah dans un autre verset il dit wa inni laghaffar. Et certes je suis laghaffar, en plus c'est vraiment le sens. Ghaffar, c'est vraiment le grand pardonneur. Allah dit qu'il est certes, je suis le grand pardonneur. Inni la ghaffar. Liman. Allah dit pour qui? Liman tab. Pour celui qui fait tauba. Liman taba. Pour celui qui a fait at-tauba. Pour celui qui se repentit. Wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Allah dit qu'il est le grand pardonneur pour celui qui s'est repenti, taba, ensuite il dit, wa amana, qui a cru, qui a accompli les bonnes œuvres, et ensuite, a cheminé dans la guidée, ou dans la droiture. Thumma tada, il a suivi al-huda, la guidée. Donc Allah dit qu'il est grand pardonneur. Pour qui? Pour celui qui se repentit, demande pardon, qui a cru, qui œuvre bien, et il suit la guidée. Vous avez vu, le verset est immense. C'est pour ça la célèbre histoire. La célèbre histoire que vous retrouvez dans certains livres, qui nous est rapportée de Al-Fudayl ibn Riyad. Vous avez vu, Al-Fudayl ibn Riyad fait partie de, dans les premières générations, parmi les pieux prédécesseurs, parmi les personnes qui se sont distinguées pour leur piété. Il était connu pour ses sagesses. Il était connu pour ses sagesses, Al-Fudayl ibn Riyad. Ils disent que Al-Fudayl ibn Iyad était tellement pieux, il était connu pour son ascétisme. Il avait vraiment délaissé les biens de cette vie d'ici-bas. Et vraiment, il était connu pour sa connaissance, ses sagesses, son ascétisme et pour sa dévotion dans l'adoration du Créateur subhanahu wa ta'ala. Et c'était une personne qui faisait le rappel wal amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Un jour, il rencontra un homme qui était d'un âge avancé. Il lui dit « Ma umruk, quel âge as-tu ?» Et l'homme lui dit « C'est tout nasana, j'ai 60 ans. » Et là, l'imam lui dit « Subhanallah, منذ 60 سنة تسير إلى الله يشيك أن تصل. » Il dit « Subhanallah, depuis, enfin lui dit, depuis 60 ans, quand il lui a dit « Tu as quel âge ?» Il lui a dit 60. Il lui a dit « Depuis 60 ans, tu vas vers Allah, tu vas vers Allah et tu es sur le point d'y arriver. » Alors l'homme dit à l'imam « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. » Certes, nous appartenons à Allah et vers lui nous retournerons. Alors l'imam lui a dit « Ata'alam tafsiraha. » Est-ce que tu connais l'explication de cela, de ce que tu viens de dire, que certes nous appartenons à Allah et vers lui nous retournerons. Et là, l'imam de lui expliquait. Il lui dit si vraiment la personne sait qu'il appartient à Allah, « Man alima annahu lillah, wa huwa ilayhi raja, faly'alam annahu mawquf, wa man alima annahu mawquf, faly'alam annahu mas'oul. » وَمَنْ عَلِمَ أَنَّهُ مَسْئُولُ فَلْيُعِدْ لِلسُّؤَالِ جَوَابًا. Et là, l'imam lui dit que celui qui sait qu'il appartient à Allah et que vers lui il retournera, alors qu'il sache qu'il est mawquf. Mawquf, c'est le fait d'être en suspens, en arrêt. Il est en suspens. C'est-à-dire que dans cette vie d'ici-bas, l'homme, il est en suspens. Et il dit, et que celui qui est en suspens, qui est mawquf, فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مَسْئُولُ, qu'il sache qu'il sera interrogé. On est en suspens dans cette vie d'ici-bas, en fait, on œuvre et on attend un jugement. Donc on est en suspens, en attente de quelque chose. Et si quelqu'un peut dire le contraire, on est tous en attente d'un jugement. C'est-à-dire qu'ici on œuvre, on sera jugé pour nos œuvres. Donc en réalité, tout le monde est en attente de son jugement. Donc c'est ça que l'imam lui explique. Il lui dit que celui qui sait qu'il appartient à Allah et vers lui il retournera, qu'il sache qu'il est en attente. Et que celui qui est en attente, en suspens, qu'il sache qu'il sera interrogé. Il lui dit, et que celui qui est interrogé, qu'il prépare la réponse aux questions. Qu'il prépare la réponse aux questions. Et là, l'homme dit, Al-Fudayl ibn Riyad, mal makhraj. Alors, imam, quand il lui a dit ça, l'homme lui dit, c'est quoi l'issue alors? Dans le sens, que dois-je faire? C'est quoi l'issue? Et là, l'imam, de lui dire cette très belle parole, تحسن ما بقي من عمرك يغفر لك ما مضى من عمرك. Il dit cette très bonne parole. Tu es bon et agis bien dans ce qu'il te reste de temps, il te sera pardonné ce qui a précédé comme temps. C'est-à-dire, et là on comprend pourquoi je citais cette très belle histoire de Al-Fudayl ibn Riyad, parce que le croyant ne doit pas désespérer. Et là on voit que Al-Fudayl fait un rappel à cet homme. Il lui fait un rappel de rectifier et d'être bon dans ce qui lui reste de temps s'il veut pardonner ce qui a précédé. S'il veut que ce qui a précédé soit pardonné. Soit pardonné. Et donc, de là, le croyant sait que même s'il a fauté, il peut se faire pardonner. Il peut se faire pardonner, mais en étant bon dans le présent. Et en étant bon et en agissant bien dans le présent, on peut se faire pardonner le passé. C'est pour ça que les pieux prédécesseurs nous rapportent d'Al-Hassan al-Basri qui disait une très belle parole. Cette vie est composée de trois jours. Hier, aujourd'hui et demain. Hier, aujourd'hui et demain. Et c'est en ce jour d'aujourd'hui, en un jour qu'il faut œuvrer. Pourquoi? Parce que hier est passé. Tu ne pourras jamais revenir. Demain et le futur, c'est un faux espoir. Ce que tu possèdes, c'est aujourd'hui. C'est l'instant présent. C'est pour ça que les savants expliquent que la personne, il faut pas vivre dans le passé. Vous savez, beaucoup de gens, par exemple, qui sont dans des déprimes et qui vivent dans l'angoisse, Shaitan les fait vivre dans le passé. Observez, vous verrez qu'ils vivent beaucoup dans le passé. C'est pour ça que certains savants contemporains disent, comme anciens, disaient, ce qui s'est passé, enterrez-le. Ce qui s'est passé, parmi des querelles passées ou autres, enterrez-les, ces choses-là. Pourquoi? Parce que, observez bien, dans beaucoup de discordes et beaucoup de conflits, les gens vivent dans le passé. Oui, mais il m'a fait. Oui, mais il m'a dit. Oui, mais ça. Et c'est beaucoup le passé. Et les gens vivent dans le passé. Et ça, c'est l'un des pièges et l'un des filets de Shaitan, de faire vivre la personne dans le passé, de sorte que ce passé-là, ensuite, détruit son présent, le moment qu'il a. Parce qu'en réalité, le passé, on ne pourra pas y revenir. Donc ça ne sert à rien d'y penser et d'en parler tout le temps et d'en faire référence. Pourquoi ? On ne pourra pas revenir au passé. Il est passé. Qad mada. Pour ça, on dit qad mada. Il est passé, le passé. Ça ne sert à rien de perdre son présent, l'instant présent. Pourquoi ? Au contraire, l'instant présent, c'est à l'instant présent qu'on peut réformer le passé. S'il n'était pas très bon, le passé, regardez, la grâce d'Allah Azzajal fait que le croyant ensuite peut se faire pardonner ce passé. Mais comment ? En profitant du présent, de l'instant présent, du jour présent. En agissant bien, en se réformant, en étant droit, on peut se faire pardonner le passé. Regardez, dans un hadith, le prophète Hassan dit « Ittaqillah haythuma kunt, wa atbi'i sayyi'at al-hasana tamhuha, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. » Le prophète, regardez, il dit « Crains Allah où que tu sois. Haythuma kunt, où que tu sois, fais preuve de crainte d'Allah Azza wa Jal. Wa atbi'i sayyi'at al-hasana tamhuha. » Et fais suivre les mauvaises actions par de bonnes actions. Tamhuha. Elles les effaceront. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Et ensuite, agis bien avec les autres, avec un bon comportement, dit le prophète. Ce hadith, il est immense. Qu'est-ce qu'on comprend ? Wa atbi'i sayyi'at al-hasana tamhuha. Fais suivre les mauvaises actions par des bonnes actions. Les mauvaises actions, elles sont commises quand ? Dans le futur ou dans ce qui est passé ? Fais suivre les mauvaises actions. C'est passé. Donc, dans le passé. Fais suivre les mauvaises actions par des bonnes. Les bonnes, on les fait quand ? Au moment que tu peux les faire, le présent, ce que tu possèdes. Ce que tu possèdes, c'est ces instants-là. Donc là, tu peux faire quelque chose au présent, une bonne action. Ces bonnes actions-là que tu vas faire au présent, elles effacent. Elles effacent ces mauvaises actions. C'est pour ça que souvent les savants disent, ils se basent sur ce récit et d'autres preuves, ils disent lorsqu'une personne, il fait taouba, qu'est-ce qu'ils lui disent de faire en même temps ? Ils disent, demande pardon à Allah, repentis-toi de ton péché et en même temps, fais des sadaqas, fais des bonnes œuvres. Pourquoi ils disent, fais des bonnes œuvres ? Fais des sadaqas. C'est pas en vain. C'est parce qu'ils savent, la règle est que les bonnes actions ensuite sont cause d'effacement. C'est pour ça, lorsqu'on fait une mauvaise action, on la fait suivre par une bonne action et le prophète dit tamhouha, elle l'effacera. Celle-ci l'effacera. Et c'est pour ça que, vous avez vu, il y a trois jours dans la vie. Le passé, le présent et le futur. Le passé, il est passé, on ne pourra pas y revenir. Et le futur, c'est un faux espoir. Tu ne sais pas si tu vas l'atteindre. Donc la personne, qu'est-ce qu'il possède ? C'est le présent. Il faut vivre au présent. Beaucoup de gens vivent dans le passé. Et donc, ils détruisent le présent à force d'être dans le passé. Ça, c'est très important. Ça, c'est une règle de vie très importante. Et donc, Allah Azza wa Jalla pardonne. Et c'est pour ça, le Fondé Ibn Riyad, il dit à cet homme, et lorsqu'on entend ça justement aide à ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la vie le plus juste chez les savants est que la vie des savants, et justement, ils réfutent le premier avis. Beaucoup de savants réfutent le premier avis, c'est que la taouba, même de l'innovateur, est acceptée. Même de l'innovateur est acceptée, comme c'est rapporté par de nombreux savants. Et ils disent même, fa'in al-bid'ah, ils disent même que l'innovation n'est pas plus grave que le shirk. Et ils disent même, ils réfutent le fait de dire que l'innovation serait plus grave que le shirk. فَإِنَ الْبِدْعَ لَا تَكُنْ أَعْظَمْ مِنَ الشِّرْكِ مِنَ الشِّرْكِ طيب. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal dit إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء. Allah dit dans le Coran, et Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, mais il pardonne en dehors de cela, à qu'il veut en dehors de cela, c'est-à-dire en dehors du shirk. Et ils disent la bid'a fait partie de cela. الْبِدْعَ إِذَا كَشَفَتْ عَنْ حَقِيقَتِهَا دُنَ الشِّرْكِ مِمَّا هُنَاكَ فَإِذَا كَانَ يُقْبَلَ الرُّجُوعَ عَنِ الشِّرْكَ الَّذِي لَا يَغْفِرُهُ فَكَيْفَ لَا تُقْبَلَ تَوْبَةُ مُبْتَدِعَ لَا يُشْرِكْ بِهِ وَلَا يَكْفُرُهُ. Et c'est pour cela que les savants, ils ont dit, si Allah Azzawajal, il pardonne le shirk, si la personne demande pardon du polythéisme, à plus forte raison, il pardonne celui qui est à l'innovateur qui demande pardon pour cause de l'innovation. Wa aktharul ulama min ahli at-tahqiq an al-qawl bi qabul at-tawbati az-zindiq mathalan. Ila akhir al-kalam. C'est pour cela que le shir de l'islam, dans le verset qu'on a mentionné précédemment, il y a un beau tafsir, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, dans le verset qu'on a mentionné précédemment, ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'an. Oh mes serviteurs qui ont commis des excès à leur insu, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, certes Allah pardonne tous les péchés. Dans Majmou' al-Fatawa, regardez Cheikh al-Islam comment il commente le verset. Regardez ce qu'il dit. Vous pourrez retrouver ça dans Majmou' al-Fatawa. Wa hadhihi ayatun 'azima, jami'atun min a'zami al-ayat naf'an. Il dit ce verset, c'est un verset immense, qui englobe un enseignement immense. Min a'zam al-ayat, parmi les grands versets, ces versets-là où il y a un profit immense. Wa fiha raddun 'ala at-tawa'if. Wa raddun 'ala man yaqul inna ad-da'i ila al-bid'ah la tuqbal tawbatuh. Et il dit dans ce verset, il y a une réfutation. Ça réfute des courants de pensée. En l'occurrence, regardez ce qu'il dit. Et en l'occurrence, ça réfute la pensée de ceux qui disent que l'innovateur, son repentir n'est pas accepté. Regardez Cheikh Sam Temia, ce qu'il dit dans l'explication de ce verset. Taïb. Donc ça, c'était sur, concernant cette parenthèse, concernant cette question. Je vous ai fait un résumé sur Taubat al-Mubtadiya. C'est pour ça que Cheikh Al-Athaymin, en résumé, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, l'avis le plus juste, c'est que celui qui était dans l'innovation appelle à l'innovation, s'il demande le pardon, ensuite il se rectifie et est droit, alors son repentir, bi'idhnillah, par l'aide d'Allah Azza wa Jal, par la permission d'Allah, est accepté. Wa kam min unasin kanu mubtadi'a, fa hasunat haluhum, wa qubilat tawbatuhum. Il dit combien de gens étaient dans l'innovation. Regardez Cheikh Al-Athaymin ce qu'il dit ensuite. Il dit combien de gens étaient dans l'innovation. Regardez ce qu'il dit. Wa hasunat haluhum. Et leur situation ensuite s'est améliorée. Et ensuite, wa qubilat tawbatuhum. Et leur repentir a été accepté. Dhakaru an Abi al-Hasan al-Ash'ari. Et là, il va donner l'exemple du grand imam, Abu al-Hasan al-Ash'ari, dont beaucoup dans le madhhab al-Ash'ari se revendiquent et s'apparentent à lui, dans le madhhab al-Ash'ari, qui est célèbre. C'est le madhhab, c'est le courant de pensée qui s'est propagé dans le plus propagé dans le monde musulman. Jusqu'à un certain moment donné, c'était le courant prédominant, qui était dominant dans le monde musulman. À un moment donné, le madhhab al-Ash'ari, c'était le courant dominant. La majorité était Ash'arite dans le monde musulman. C'est pour ça qu'en fait, beaucoup de savants ont été influencés par la croyance Ash'arite. La croyance Ash'arite. À savoir que beaucoup de savants de la Sunna disent que c'est le courant le plus proche de la Sunna, des gens de la Sunna. Ce qui sous-entend qu'ils ne font pas partie des gens de la Sunna. Pourquoi ? Parce qu'ensuite, c'était un débat chez les savants. Est-ce que les Ash'arira font partie des gens de la Sunna ? Certains l'ont dit. Certains ont dit que les Ash'arira font partie des gens de la Sunna. Fahum min ahli sunnati wal jama'a. Certains ont stipulé cela. Et beaucoup de savants ont réfuté. Beaucoup de savants ont réfuté en disant qu'ils ne font pas partie des min ahli sunnati wal jama'a. Mais c'est le courant par rapport aux autres courants, par rapport à Mu'tazila, wal Jahmiya, wal Tasawwuf, et autres, c'est le courant le plus proche. Et il s'est propagé. Mais beaucoup de savants contemporains et anciens considèrent que laysu min ahli sunnati wal jama'a. وهذه المساله ذكرها العلماء في كتبي. Mais cette question, vous pouvez vous y référer et vous trouvez cette question dans de nombreux livres. Al-Muhim. Ce grand imam Abu al-Hasan al-Ash'ari, dont beaucoup s'affilient à lui. Et de là, plus tard, il y a eu l'émergence de ce courant qu'on appelle al-Ash'arisme. Al-Ash'ari. L'Imam Al-Hassan Al-Ash'ari, il est dit qu'au départ, il était mu'tazilite. Il a vécu une quarantaine d'années. Pendant 40 ans, il a rapporté qu'il était mu'tazilite. Qu'il était mu'tazilite. Comme a dit le Cheikh, أنه كان على مذهب المعتزلة 40 عاما من عمره pendant 40 années de sa vie. Il est dit qu'il était mu'tazilite. ويقرره ويؤكده ويدعو إليه. Et il est rapporté que dans sa vie, il confirmait et appuyait ce courant de l'Irtizal, ce courant de l'Irtizal, vous avez vu, qui était connu pour leur réfutation et leur négation des attributs du Créateur, subhanahu wa ta'ala. Il est dit que pendant de nombreuses années, l'imam Abul Hassan al-Ash'ari défendait ce courant. Et il le défendait et le propageait. Il propageait ce courant. ثم تبين له زيف. Ensuite, jusqu'à ce que soit clair pour lui que ce n'était pas la vérité et que cela était faux et que cela était une dérive. فعدل عن وأعلن رحمه الله تعالى jusqu'à ce qu'ensuite il est revenu et ce retour il l'a fait en public. Il est rapporté que ce retour il l'a fait en public. Le fait qu'il soit revenu de la croyance de cette tendance, ce courant qui était Al-I'tizal, Al-Mu'tazila. Donc ensuite, il est revenu sur ça. Et il est rapporté qu'il a fait cela en public, يوم الجمعة, le jour du vendredi. كما قال الشيخ وأعلن رحمه الله تعالى يوم الجمعة بعد صلاة أنه راجع عنه. Comme il est rapporté dans certains livres, que c'est le jour du vendredi, après la prière, il a fait part en public qu'il revenait et qu'il délaissait justement ce courant de Al-I'tizal. وَأَنَّهُ رَاجِعٌ عَنْ وَأَنْكَرَهُ أَشَدَّ الْإِنْكَرِ. Mais il n'a pas seulement mis en public le fait qu'il délaissait ce courant et cette tendance, mais ensuite, il est dit qu'il s'en est désavoué. أشد الإنكار. Il l'a désapprouvé et s'en est désavoué d'un désaveu strict, si on peut dire de la sorte. ثم كان له حال وسط. Ensuite, il est passé à une autre étape. Lorsqu'il s'est désavoué et a désapprouvé ce courant, il est passé à une autre étape de sa vie. Notre étape de sa vie, c'était une étape où il était entre eux. Elle est à Tizel. Et la croyance des gens de la sunna. Donc il s'est retrouvé dans une position wasat entre Al-I'tizal, donc il s'est désavoué de Al-I'tizal, mais il n'était pas encore ma'a ahl sunnati wal jama'a. Il était entre Al-I'tizal wa ahl as-sunna wa ahl as-sunna wa bayn al-mu'tazila. Wa hadhihi al-hal al-wasat تلقى فيها عنه علماء كثير نشروا وهذبوا قوله وحرروه فصار مذهب الأشعرية في النهاية. Et cette étape de sa vie où il était dans cette étape entre Al-Mu'tazila et Ahl Sunnah, c'est cette étape de sa vie que beaucoup ensuite vont mettre en avant et suivre. Et de là naîtra et émergera dans le monde musulman le courant qu'on appelle Al-Ash'ari'a, Al-Ash'arisme. Justement, s'affilant à l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari. C'est là que c'est cette étape de sa vie dont beaucoup vont mettre en avant et vont suivre. Et c'est ça la cause en réalité. La cause de l'apparition du mouvement Al-Ash'arite qui va se propager plus tard dans le monde musulman jusqu'à ce qu'il va, attention, à un moment donné, il sera dominant. Il faut avouer l'évidence. C'est connu que ce soit chez les savants de la Sunna, que ce soit chez les historiens, dans de nombreuses contrées musulmanes, les pays musulmans, ensuite plus tard il est devenu dominant. Et donc, justement, parce qu'ils ont suivi cette période de l'étape de la vie de Abul Hassan al-Ash'ari. Pour terminer, pour bien se resituer dans le temps, lui, l'imam Abul Hassan al-Ash'ari, qui s'appelait Abul Hassan, Ali ibn Ismail. Abul Hassan Ali ibn Ismail. Oulida sana sittin wa mi'atayn. Sittin wa mi'atayn. Pour bien se situer dans le temps, il est né en 260 de l'Hégire. Il est né en 260 de l'Hégire. Aujourd'hui, on est dans le calendrier égérien, nous sommes en 1444. J'ai vu ça très longtemps. Vous avez vu déjà dans les premiers siècles. C'est un savant du mi-3e siècle. Mi-3e siècle, enfin, il est né après la moitié du 3e siècle de l'Hégire. Al-Imam Abu al-Hassan, Ali ibn Ismail. Ali ibn Ismail. Pourquoi il est surnommé Al-Ash'ari? Vous savez pourquoi il est surnommé Al-Ash'ari? Parce qu'ils disent sa généalogie remonte jusqu'au compagnon Abu Musa al-Ash'ari. Elle remonte sa généalogie jusqu'au célèbre compagnon Abu Musa al-Ash'ari. Et Abu Musa al-Ash'ari, c'est un célèbre compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Musa al-Ash'ari, il est connu pour ses fonctions qu'il a eues plus tard, le rôle qu'il a joué après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce rang qu'il avait auprès des compagnons du prophète, il fut gouverneur et autres. Et Abu Musa al-Ash'ari, parmi ses distinctions et ses mérites, sa très belle récitation du Coran. Il était connu pour sa belle voix. Jusqu'à dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait comparé au Mazamir Ali Daoud. Et vous savez qu'Allah avait facilité la lecture des psaumes et de la parole du Créateur à Daoud, le prophète Daoud. Et lui, Abu Musa al-Ash'ari, était comparé à Daoud par sa belle voix, sa facilité de réciter la parole du Créateur, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est dit que Abu al-Hassan al-Ash'ari, justement, son nasab, sa généalogie remonte jusqu'au compagnon. Donc le compagnon Abu Musa al-Ash'ari serait l'un de ses aïeux. L'un de ses aïeux, c'est pour cela qu'il était nommé, il était affilié à Al-Ash'ari. Pour ça, il est surnommé Abu al-Hassan al-Ash'ari. Wa kana ajaban fi dhaka. Wa kana ajaban fi dhaka. Il est rapporté que c'était un prodige. En quelque sorte, il avait une intelligence qui était impressionnante, incroyable. Il avait une intelligence qui était incroyable. Wa quwwatul fahm. Et il est rapporté dans sa biographie aussi, il avait une compréhension qui était incroyable. Un fahm, une compréhension et une connaissance qui était incroyable. C'est pour cela qu'ensuite on a dit dans sa vie, il a eu une période où il était mu'tazilite, il a défendu ce madhab pendant une quarantaine d'années, ensuite, tabarra amin, il s'en est désavoué, et ensuite il a eu cette période-là. Et regardez, comment il s'en est désavoué, comme on l'a dit précédemment, le vendredi il est monté au Sa'ad al-Munbar, il est monté sur la chair et a rendu public sa taouba, son repentir du madhab al-i'tizal, du madhab al-i'tizal. Et justement dans sa biographie, plus tard, comme il va être mentionné, après cette étape où il sera entre madhab al-i'tizal et Ahl Sunnah, ensuite, il va revenir et il va déclarer son appartenance au genre de la Sunna. Quand je dis son appartenance au genre de la Sunna, c'est-à-dire qu'ensuite, il va revenir vers la croyance des gens de la Sunna. Et comme c'est rapporté dans certains livres, il va dire, avant de mourir, « Ana ala aqidati Ahmed ibn Hanbal » qui dit « Je suis sur la croyance de Ahmed ibn Hanbal ». Certains peuvent se poser la question. Pourquoi il dit sur la croyance de Ahmed ibn Hanbal? Parce que Ahmed ibn Hanbal ensuite était considéré, c'était l'un des élites, des grands leaders, parmi les grands imams de la Sunna. Et les gens, lorsqu'ils disaient Ana ala aqidati Ahmed ibn Hanbal, ils voulaient dire Ana aqidati Sunna, qu'ils étaient sur la Sunna. Et donc, comme c'est professé, c'est déclaré, et même l'imam al-Dhahabi, le grand imam al-Dhahabi, déclare cela. وقال رأيت لأبي الحسن أربعة توالف في الأصول يذكر فيها قواعد مذهب السلف. Il dit l'imam al-Dhahabi qu'il est tombé dans de plus de 40 écrits. Dans plus de ou pardon, أربعة توالف, 4 écrits. 4 œuvres et écrits de l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari, et dans ces 4 œuvres il a trouvé qu'il mentionnait les bases et les fondamentaux, les bases essentielles et les fondamentaux parmi les règles des gens de la sunna. Parmi les règles des gens de la sunna. Comme il dit, وَقَالَ فِيهَا تَمُرْ كَمَا جَاءَتْ. Et par exemple, en ce qui concerne, il est rapporté, en ce qui concerne les attributs d'Allah, les noms et les attributs, il disait, nous les acceptons comme ils sont venus. Comme ils sont venus, فَقَالَ وَبِذَلِكَ أَقُولْ وَبِهِ أَدِينْ وَلَا أَتَأَوَّلْ. Et comme cela, il est rapporté qu'il a dit, comme cela je dis, voici ma religion et je n'interprète pas. Donc là c'est clair. Si vous dites ça à des gens partisans du madhhab al-Ash'ari, ils ne peuvent pas concevoir cela. Là, ce qu'on vient de dire, nous, en quelques mots, vous pensez que c'est juste quelques mots. Regardez ce qu'il a rapporté de lui. C'est quelque chose de... Si vous arrivez à leur confirmer ça, imaginez-vous, c'est toute une croyance qui est remise en cause. C'est tout un madhhab qui est remis en cause. Pourquoi ? Parce que le madhhab al-Ash'ari est affilié au l'imam Abul Hassan al-Ash'ari. Là, c'est le leader, l'imam du madhhab, du courant, dont il est rapporté qu'il est revenu aussi, comme il est revenu du madhhab al-Atizal, qu'il est revenu du madhhab, de ce madhhab-là. On ne peut pas dire du madhhab al-Ash'ari, puisqu'il n'existait pas encore, puisque les gens vont s'affilier à lui. Donc on ne peut pas dire qu'il est revenu du madhhab al-Ash'ari, ça n'existait pas encore. Puisque les gens vont s'affilier à lui. Et ça, vous le retrouvez dans le kitab Siyar de l'imam al-Dhahabi. C'est l'imam al-Dhahabi qui rapporte cela. Abul Hassan al-Ash'ari, qala fiha, tamur kama ja'at. Qu'il prenait ensuite les noms, les textes liés aux noms et attributs d'Allah comme ils sont venus. Ça, c'est aqidat al-Sunnah wal-Jama'a concernant les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Et qu'il dit, wa bidhalika aqul. وَأَدِينَ وَلَا أَتَأَوَّلْ. Et comme cela, je dis, وَبِهِ أَدِينَ, et voici ce dont j'en fais une religion. Littéralement. وَلَا أَتَأَوَّلُ. وَلَا أَتَأَوَّلُ. طيب. Je termine juste là, le paragraphe là, de ce qu'il dit Cheikh Al-Athaymin, et on se quitte. Sur ça, il reste quelques mots. Regardez ce que dit Cheikh Ibn Uthaymin. Ensuite, il dit, donc nous, sur la parole de Cheikh Ibn Uthaymin, on s'arrêtait lorsque Shir, il dit qu'ensuite, il a une étape de sa vie, il était entre Al-Atizal, Al-Mu'tazila et Al-Sunna. Qala. C'est de cette période-là que les gens ensuite, de là, ils ont pris cette période de la vie de l'imam Abul Hassan al-Ash'ari, et de là émergeant, on a dit, le madhhab al-Ash'ari. Qala. هذه الحالة الوسط تلقى فيها عنه علماء كثيرون نشروا وهذبوا قوله وحرروه فصار مذهب الأشعرية في النهاية. À la fin, c'est devenu le madhhab qu'on appelle le madhhab al-Ash'ari. À la fin. قال ثم رجع عن هذا وصرح بأنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. Et après cette étape-là, il y a une troisième étape. L'étape où l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari est rapporté par de nombreuses sources que l'imam ensuite est revenu et a déclaré cela. Il est revenu sur cela, a déclaré cela, jusqu'à ce qu'il adhère à la croyance des gens de la sunna. Comme il est dit, jusqu'à ce qu'il déclare, comme le stipule aussi Cheikh Ibn Uthaymin, regardez ce qu'il dit, « وَصَرَّحَ بِأَنَّهُ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَحْمَدِ ibn حَنْبَلِ. » Et donc il a déclaré clairement qu'il revenait vers la pensée de Ahmed ibn Hanbal. Et Cheikh va dire, l'imam Ahmed wa imam ahl sunnah. L'imam Ahmed, c'est l'imam des gens de la sunnah, le guide. Faradja'a il al-qawl, parmi les guides, parmi les grands imams, vu le rôle qu'il a joué dans l'histoire, dans sa défense de la croyance et du dogme des gens de la sunnah. Faradja'a il al-qawl bil-ithbat, wa staqarra alayhi. Et donc, en quelque sorte, lorsqu'il professe cela, ça veut dire que il est revenu vers l'avis de l'affirmation des noms et attributs d'Allah. Puisqu'avant, il a passé un long temps dans la négation, puisque c'était ça, madhhab al-Atizal. Et là, en quelque sorte, c'est comme s'il proclame, c'est une proclamation de sa part. Lorsqu'il a proclamé qu'il revenait vers la croyance d'Ahmed ibn Hanbal, c'est-à-dire, c'est la proclamation, entre autres, de l'affirmation, justement, des attributs d'Allah, Azza wa Jal, wastaqarra alayhi. Et Cheikh dit ensuite, il s'est stabilisé sur ça. Wastaqarra alayhi. Fahal naqul. Pour terminer, il dit, est-ce qu'on dit par exemple que cet homme, son repentir n'est pas accepté? Puisque là, on est toujours sur la question, le repentir de l'innovateur. Et il dit, Cheikh, on pose la question, est-ce qu'on dit que cet homme, par exemple, son repentir n'est pas accepté? Al-Jawab, il dit là. Cet homme a rendu son repentir public. Il s'est repenti de l'innovation. Alors qu'il professait la croyance d'El Mu'tazila. Et parmi leurs croyances, la négation des attributs d'Allah Azzawajal. Il a demandé pardon. Il a proclamé cela de manière publique. Et il dit, Inna rajul la tuqbal taubatu. Et nous allons dire que le repentir de l'innovateur n'est pas accepté. Et dit, Fassawab ou bila shak. Il dit ce qui est plus juste, sans qu'il y ait le moindre doute, Anna kulla insanin yatub ila Allah min adh-dhanb. Fa innaha tuqbalu taubatu. Il dit le plus juste, ce qui est juste qu'il faut dire sans qu'il n'y ait le moindre doute, c'est que tout individu peut demander le pardon. Peut demander le pardon contre un péché, par rapport à un péché, et que son repentir est accepté. لكن إذا كان ذنبه قد انتشر في الناس وأضل الناس فيجب عليه أن يبين. Par contre, si son péché s'est propagé au sein des gens, s'est propagé, alors il doit rendre son repentir public. Doit rendre son repentir public. Et il proclame aux gens que, eh ben, il a commis une erreur et que c'était une erreur. Et nous, on termine sur ça. Et ça, c'est un grand rappel pour nous. Pourquoi? Parce que certains condamnent les gens. Vous avez fait, par exemple, une erreur dans le passé, vous êtes condamné. Les gens n'ont plus le droit de repentir chez certains. Et ça, c'est minar alamad, ça, c'est les signes des gens de l'innovation. Lorsqu'ils ont condamné quelqu'un, la personne peut clarifier, se repentir, demander le pardon. Pour eux, c'est pareil. Combien de mashaykhs se sont trompés? Ils ont demandé, ils ont fait taouba pour Allah, pas pour les gens. Pour Allah, ils disent non, mais il est toujours dans cela. Ensuite, ils font même des procès d'intention. Combien d'étudiants, combien d'imams, par exemple, ont fait des erreurs et disent non, mais c'est pas clair son hal. D'où ont-ils hérité ces règles-là? Parfois, on a certains jeunes qui s'apparentent à la sunna, on a l'impression de voir des règles de tekfir. Ils ont un comportement de tekfiri. Et ils pratiquent des règles de tekfiri. C'est les règles du tekfir, des extrémistes dans la religion, des khawarij. C'est des règles de khawarij et de tekfiri. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم. On a fait un peu moins qu'hier, je crois. On va diminuer chaque jour. Mais là, au moins, on a terminé la question. On a terminé la question sur ça, inch'Allah.